Nao n'ignorait aucun des rites transmis par les ancêtres. Il ranima légèrement le feu, il imbiba la surface extérieure d'un peu d'eau puisée dans une flaque, il vérifia la fente et l'état du schiste. Avant de fuir, il s'empara des haches et des sagaises éparses, puis il jeta un dernier regard sur le camp et sur la plaine. Deux des adversaires tournaient leur face roide vers les étoiles. Les deux autres, malgré leur souffrance, se tenaient immobiles pour faire croire qu'ils étaient morts. La prudence et la loi des hommes voulaient qu'ils fussent achevés. Nao s'approcha de celui qui était blessé à la cuisse, et déjà il dardait sa sagaie. Un étrange dégoût lui pénétra le cœur. Toute haine se perdait dans la joie, et il ne put se résigner à éteindre de nouveaux souffles. D'ailleurs, il était plus urgent d'écraser le foyer. Il en éparpilla les tisons à l'aide d'une des massues laissée par les vaincus. Il les réduisit en fragments trop menus pour durer jusqu'au retour des guerriers. Puis, entravant les blessés dans des roseaux et des branches, il cria. « Les Xames n'ont pas voulu donner un tison au fils de Léopard, et les Xames n'ont plus de feu. Ils rôderont dans la nuit et dans le froid jusqu'à ce qu'ils aient rejoint leur horde. Ainsi les Oulamres sont devenus plus forts que les Xames. » Nao se retrouva seul au pied du tertre où Nam et Gaou devaient le rejoindre. Il ne s'en étonna point. Les jeunes guerriers avaient dû faire de vastes détours devant leurs poursuivants. Après avoir couvert sa plaie de feuilles de saule, il s'assit près de la flamme légère où étincelait son destin. Le temps coula avec les eaux du grand fleuve et avec les rayons de la lune montante. Lorsque l'astre toucha le zénith, Nao dressa la tête. Dans les mille rumeurs éparses, il reconnaissait un rythme particulier qui était celui de l'homme. C'était un pas rapide, mais moins compliqué que celui des bêtes à quatre pattes. Presque imperceptible d'abord, il se précisa. Puis, un élan de la brise apportant quelque émanation subite, l'Oulamre se dit « Voici le fils du peuplier qui a dépisté les ennemis », car aucun indice de poursuite ne se décelait sur la plaine. Bientôt, une silhouette flexible se dessina entre deux sycomores. Nao reconnut qu'il ne s'était pas trompé. C'était Nam qui s'avançait dans la nappe argentine du clair de lune. Il ne tarda pas à paraître au pied du tertre. Et le chef demanda « Les Xames ont-ils perdu la trace de Nam ?» Nam les a entraînés très loin dans le nord, puis les a devancés, et il a longtemps marché dans la rivière. Ensuite il s'est arrêté, il n'a plus vu, ni entendu, ni flairé les dévoreurs d'hommes. « C'est bien, » répondit Nao, en lui passant la main sur la nuque. « Nam a été agile et rusé. Mais qu'est devenu Gaou ?»« Le fils du Saïga a été poursuivi par une autre troupe de Xam. Nam n'a pas rencontré sa trace. Nous attendrons Gaou. Et maintenant, que Nam regarde ?» Nao entraîna son compagnon. Au tournant du tertre, dans une échancrure, Nam vit étinceler une petite flamme palpitante et chaude. « Voilà, » fit simplement le chef. « Nao a conquis le feu. » Le jeune homme poussa un grand cri. Ses yeux s'élargirent de ravissement. Il se prosterna devant le fils du léopard et murmura. « Nao est aussi rusé que toute une horde d'hommes. Il sera le grand chef des Oulamres et aucun ennemi ne lui résistera. » Ils s'assirent devant ce faible feu, et ce fut comme si le brasier des nuits les protégeait de sa véhémence au bord des cavernes natales, sous les étoiles froides devant les flammerolles du grand marécage. L'idée du long retour ne leur était plus pénible. Quand ils auraient quitté les terres du grand fleuve, l'examen ne les poursuivrait point. Ils traverseraient des contrées où les bêtes seules rôdent dans les solitudes. Ils rêvèrent longtemps. L'avenir était sur eux, et pour eux, l'espace rempli de promesses. Mais quand la lune commença de croître sur le ciel occidental, l'inquiétude se tapit dans leur poitrine. « Où reste Gaou ?» murmura le chef. « N'a-t-il pas su dépister l'examen ? A-t-il été arrêté par un marécage ou pris au piège ?» La plaine était muette. Les bêtes se taisaient. La brise même venait de s'alanguir sur le fleuve et de s'évanouir dans les trembles. On n'entendait que la rumeur assourdie des eaux. Fallait-il attendre jusqu'à l'aube ou se mettre à la recherche de l'absent? Il répugnait étrangement à Nao de laisser le feu à la garde de Nam. D'autre part, l'image du jeune guerrier, pourchassé par les dévoreurs d'hommes, le surexcitait. À cause du feu, il pouvait l'abandonner à son sort, et même il le devait. Mais il s'était pris pour ses compagnons d'une tendresse sauvage. Il participait véritablement de sa personne. Leur danger l'alarmait autant que les siens, davantage même, car il les savait plus que lui, exposés aux embûches, menacés par les éléments et les êtres. « Nao va chercher la trace de Gaou, » dit-il enfin. « Il laissera le fils du peuplier veiller sur le feu. Nam n'aura pas de repos. Il mouillera l'écorce lorsqu'elle sera trop chaude. Il ne s'éloignera jamais plus longtemps qu'il ne faut pour aller jusqu'au fleuve et en revenir. » « Nam veillera sur le feu comme sur sa propre vie, » répondit fortement le jeune nomade. Il ajouta avec fierté, « Nam sait entretenir la flamme. Sa mère le lui a enseigné lorsqu'il était aussi petit qu'un louveteau. C'est bien. Si Nao n'est pas revenu quand le soleil sera à la hauteur des peupliers, Nam se réfugiera auprès des mammouths. Et si Nao n'est pas revenu avant la fin du jour, Nam fuira seul vers le pays de chasse des Oulamres. » Il s'éloigna. Toute sa chair vibrait de détresse, et maintes fois il se retourna vers la silhouette déclinante de Nam, vers la petite cage du feu dont il se figurait voir encore la faible lumière alors qu'elle était déjà confondue avec le clair de lune.